l'amour est un secret du ciel. Et quand la matinée est un mauvais, on a franchi ça de nouveau. Ah, Martin m'a dit adieu. En toi italien, je suis qui boule. Oh, chérie, quand la matoï, quand on va arriver là, je ne fais pas d'ailleurs. Mais ça, mon thème, on a eu assez pas d'ailleurs. C'est pas d'elle là.